on est les enfants de ce monde. Et si le tonnerre gronde, c'est quand même un peu de notre faute. Et j'ai honte de toutes ces erreurs qu'on perpétue. C'est comme si sur un champ de bataille, on avançait les yeux bandés. Regardez, regardons ce travail de cochon à grande échelle, y a pas de respect pour rien ni personne. On persécute à outrance, écrase cette brave planète sous le poids de notre opulence. Gourmandise mal placée, car placée en bourse, donc en décalage avec les valeurs qui permettraient d'éviter le naufrage. Qui prétend ne rien savoir de la déforestation massive, saccageant l'écosystème sans scrupule et sans problème. Qui n'a pas entendu parler d'élevage d'abattoirs scandaleux, de cette viande qu'on ingurgite, bien qu'elle vienne tout droit de l'enfer. Des méthodes de pêche industrielles qui sèment la panique en mer. Des fruits et légumes modifiés qui poussent en accéléré en serre. Et au dessert, on nous sert quoi? Des ordures? C'est délicieux. Non, sérieux, la liste est longue et fait flipper comme ces produits cancérigènes vendus librement dans nos rayons de supermarché. Faut se renseigner pour éviter de bouffer n'importe quoi. Et dans la mesure du possible, ne pas cautionner un fonctionnement qui tire tout vers le bas. Quant à ces machines pour être humain civilisé, conçu pour durer un an, franchement quelle imbécilité. On ne sait pas les recycler, donc on envoie les cadavres aux pays pauvres comme acte de charité. Tout pour le profit et tant pis pour les cataclysmes. Informés, on ne l'est pas sur ces pratiques dramatiques. Une question qui sera là pour payer les dégâts. Pas mieux qu'un autre. J'agis de manière mécanique à force de toujours méconnaître. Les remords aiguisent leurs quenottes à force de me ronger. Si je te disais que je fais de mon mieux, je verrais mon nez s'allonger. J'essaie de me contenter du minimum. C'est la seule arme que j'ai contre eux, cette machine ignoble. Surproduction, surconsommation sont les fruits de la spéculation, entraînant la paupérisation des populations et la pollution. Alors qu'est-ce que je m'en balance? De faire chuter la croissance, cette escalade n'a pas de sens. Cette lutte est écrasante. Tous les beaux discours ne parviendront pas à m'attendrir. Je suis au crochet de cette société pour mieux la ralentir. Qualifie-moi de tir au flanc, sirotant le bien d'autrui. Me crois-tu vraiment ignorant? Innocent d'être un produit, je suis le fruit de ce ramassis qui m'a été imposé. Laisse-moi le plaisir de m'y opposer, d'essayer de l'imploser. Même si je sais très bien qu'avec un budget de misère, je ne peux contrôler mes dépenses. C'est le dilemme, car j'alimente les dérives d'une économie de masse. En effet, dur de faire l'impasse, même si je sais ce qui se passe. Pardi, mes œufs sont ceux des poules de batterie. Et je favorise un système où les récoltes s'expatrient. Les variétés se tarissent, leurs cultures sont intensives et les nappes phréatiques en garde des cicatrices. L'argent vaut plus que des quidams. L'échange est inéquitable. À croire que ce libéralisme totalitaire est inévitable.